Vous n'avez rien entendu ? Mais entendu quoi ? Ouais, Pierre-Jean Grégoire, Pierre-Jean ! Je suis là, je suis là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est où le gnome Ratis ? Toi, tu l'as boulé des mouches ! Mais aïe ! Mais pourquoi tu m'as frappé ? N'oublie pas qui je suis, Manfred ! Oui, oh oui, votre seigneurie ! Pierre-Jean Grégoire ! La chauve-souris, tu m'avais bien dit qu'elle était morte, non ? J'avais dit ça ? J'ai compris. File avant que je t'ouvre le ventre et que mes rats te mangent les tripes. Oui, d'accord, je m'en vais. Il est parti, hein ? Manfred, il est temps de se préparer à notre plus grande bataille. Eon ? Tu veux attaquer, Eon ? Mais si on fait ça, mais c'est toute la forêt qu'on va se mettre en dos. C'est un territoire sacré, Ratis. Je sais. Il est temps pour les rats d'oublier leur passé. Une arme, Manfred. Nous avons des griffes, mais il est venu le temps de se construire de nouvelles armes. Ainsi va l'évolution. Enfin, nous arrivions à Eol après 2 jours de vol sans s'arrêter. J'ai des crampes, les gars, j'ai des crampes. Pose-toi là, sur cette roche. Thunder s'est posé sur un rocher entouré aussitôt par des écureuils, des lapins et des oiseaux d'Eol, tous aussi curieux les uns que les autres. Vous et moi descendîmes du dos de Bender sous leurs regards intrigués. Squeak, faut aller voir Mila. Peut-être qu'elle guérira comme ça. Squeak. S'effrayant un passage parmi la foule, apparut Berthold, le capitaine des écureuils. Vous êtes revenu. Vivant. Berthold. Mila. Elle va bien, Berthold. Elle. Bien, c'est beaucoup dire. J'ai baissé la tête, serrant les poings. Nous n'avions pas réussi. Nous ne pouvions sauver Mila. Il n'y a pas d'amélioration. J'ai fait ce que j'ai pu pourtant. Ça tient qu'à elle de survivre. J'ai empêché la maladie de se propager. Maintenant, ça tient qu'à elle. Bender, tais-toi. César était assis au chevet de Mila. Il s'en est écarté lorsque je me suis approché. Mila. Faut... Vous pouvez me laisser seul avec elle. Ils se sont tous regardés. Allez, tout le monde dehors. Squeak. J'ai juste une dernière chose à lui dire. D'accord. On sort, allez, on sort, la vieille écureuil. Un peu de respect, jeune chauve-souris. Pardon, jouez pas, je vous assure, je pouvais pas suivre. Mais tais-toi, Bender, tais-toi. Mais là, j'ai pris sa main dans la mienne. Son visage était crispé, sa peau moite. Que va-t-il m'arriver maintenant ? Qui sait réellement de quoi l'avenir est fait ? Bon, c'est vrai, nous on voit un peu l'avenir, mais bon, des fois on a envie d'en parler, d'autres fois, non, c'est comme ça. Estime-toi heureuse, déjà on fait pas payer la consultation. Je vais mourir. Tu as perdu ton cœur, seul un autre pourra te le rendre. Mila, c'est passé tant de choses depuis qu'on s'est rencontrés. Moi, le ridicule petit creuseur. Rencontrant la fille du grand dirigeant, la princesse de Wish City, la première dame des Baefwish. Je ne regrette rien, mais je t'ai rencontré. C'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Tu es si forte, Mila, t'as pas le droit de mourir maintenant. Ouais, il reste des combats, des tas de combats à venir. Contre les rats, peut-être même contre Eol. Mais il y a un moyen de revenir chez nous. Et je ne veux pas retrouver Wish City sans toi. Sans toi, il n'y a pas grand-chose. Je te montrerai que je ne suis pas qu'un creuseur, Mila. Je suis un Baefwish, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Je suis un Baefwish qui... Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens, là, maintenant. Je m'adresse à l'esprit, alors que c'est au cœur que je devrais parler. Je me suis baissé au-dessus d'elle, les lèvres aussi proches des siennes. J'ai murmuré, si un seul baiser pouvait tout dire. J'ai posé doucement mes lèvres sur les siennes. Si un seul baiser... J'entends des voix. Suis-les ou ne les suis pas. Il te faudra faire le choix rapidement. J'ai relevé la tête en soupirant. J'ai posé une dernière fois mon regard sur son visage, pour ne pas l'oublier, pour ne pas... Ses yeux, Ses yeux. Mila ouvrait les yeux. Bah, elle fouille.